Bismillah ar-Rahim. Nous allons poursuivre dans ces points néfastes qu'engendre cet appel à l'unité des religions qui laisse entendre que les juifs et les chrétiens sont les croyants. Que les juifs et les chrétiens, en fait, sont les croyants, donc ils sont nos frères. Wa qala ta'ala, innama al-mu'minuna ikhwa. Que seuls les croyants sont les frères. Et cette fraternité à laquelle ils appellent, soit disant, nous sommes tous des fils d'Adam, nous sommes tous des frères, cette fraternité, on va dire biologique, si on peut s'exprimer de la sorte, Yom El-Qiyama ne sera d'aucune utilité. La relation entre père et fils, comme ce fut le cas de Nuh alayhi salam avec son fils, qui était mécréant, n'a servi à rien à son fils, alors qu'il est son père biologique. Et c'était un prophète, un messager. Alors qu'en est-il de dire qu'un tel c'est mon frère, par Adam notre père? Ça sert à rien ça. Ça n'apporte aucune utilité, aucune faïda. C'est de la falsafa, de la philosophie. Ton propre frère de sang, du même père, du même mère, si jamais il n'est pas musulman comme toi, ta fraternité ne servira à rien, Yom El-Qiyama. En ce bas monde, il a des droits, na'am, des liens de sang, de parenté, les réels, d'accord, quand il est parmi tes proches, c'est tout. Sinon, point de vue religion, point de vue foi, il n'est pas les tiens. Et tu n'as pas à l'aimer d'un amour dernier de religion, comme on dit. Tu auras droit de lui donner un amour naturel, et cet amour-là, beaucoup de gens peuvent l'avoir. Un ami aussi à toi peut l'avoir, cet amour-là. Des fois même, des gens ont des amis, ils préfèrent leurs amis à leurs frères, propres frères. Car ton frère, tu ne l'as pas choisi. Ton frère, tu ne l'as pas choisi. Alors que ton ami, tu le choisis. Donc, combien de personnes préfèrent passer de leur temps avec leurs amis qu'avec leurs propres frères? Donc cette fraternité-là n'apporte rien du tout en général. La vraie fraternité, c'est celle qui est basée sur l'islam. Et encore plus, il y a des fraternités du sang, des liens de sang, plus ceux de la religion, là c'est magnifique. Allahu Akbar. Mais sinon, si la foi n'est pas là, elle ne sert à rien pour l'au-delà. Donc nous poursuivons dans ces points néfastes à la religion. Qala khamisan, fi hadhihi al-da'wa ilra ahkam al-dhimma. Que cette appel de l'unité de religion va amener à annuler les règles des gens de la Zimma, c'est-à-dire les gens du livre avec qui on a un pacte. Car les gens de la Zimma en islam, lorsqu'ils veulent vivre dans un pays d'islam, cela n'aurait permis que s'ils payent la jizya, l'impôt légal, comme on dit. Donc en disant que le chrétien et le juif sont ton frère, tu ne leur feras pas payer. Ils vivront librement au sein des musulmans, chose qui n'est pas permise en religion. Et cela va amener à quoi? À admettre qu'ils puissent construire des églises, des synagogues, et faire apparaître les emblèmes de leur religion. Il y a unanimité, ijma al-ulama, à la tahlim bin al-kanaïs, fi dar al-islam. Il y a unanimité qui n'est pas permis de construire des églises, et des synagogues, et tout lieu d'adoration pour Allah, dans les pays d'islam. Ça, c'est le jugement de base. Maintenant, est-ce qu'il est appliqué? Il ne l'est pas appliqué dans la plupart des pays d'islam, malheureusement. Mais là, on parle du jugement. Nous, en tant que musulmans, dans notre foi, que cela soit jugé, appliqué ou pas par les gouverneurs ou pas, ça n'empêche pas que nous, on est contre. On ne dit pas comme c'est fait, on ferme les yeux, on ne ferme pas les yeux. Dans le sens où, dans notre cœur, au minimum, on blâme cela. Tu vois une église en plein d'islam, même si elle est là, tu ne l'agrées pas. Et tu dis cela n'est pas permis. D'accord? Et c'est une erreur de la part du gouverneur de la sorte. C'est une erreur de sa part. Et tu fais droit qu'Allah lui pardonne et qu'il le guide à rectifier son erreur. Sans pourtant te révolter contre lui et à le dénigrer devant tout le monde. C'est une erreur. Une grande erreur. D'accord? Mais toi, en tant que muslim, multazim bi kitabillahi, wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, la tarda bi dhalik. Tu ne peux changer par ta bouche, ni par par ta main, dans ton cœur au minimum. Et tu n'auras pas le choix de toute façon. Sadisan, fi hadhihi al-fikra da'wa ila ilra ahkam al-mawarith fi kitab wa sunnah. Cela va amener également à abroger les règles d'héritage présentes dans le livre et dans la sunnah. Comme a dit fi an al-Bukhari wa Muslim, عند Usama ibn Zayd, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم que le musulman n'hérite pas du mécréant ni le mécréant du musulman. Donc, en disant qu'ils sont tes frères, qu'il faut s'approcher d'eux, tu ne pourras pas les priver de cet héritage. Quelqu'un dira c'est mon frère de sang, par exemple. Un chrétien est le frère, mathalène, d'un musulman. Le musulman viendra à mourir. Comment vas-tu te permettre, toi qui appelles à l'unité des religions, à dire que le chrétien est un croyant, le priver de sa part d'héritage? Tu ne pourras pas le faire. Tu seras en contradiction avec ton appel. Tu ne pourras pas le faire. Donc il y a unanimité que le mécréant n'irait pas de musulman. Après, il y a une divergence. Est-ce que le musulman peut hériter d'un mécréant ou pas? Quand même. Et certains disent que c'est propre seulement aux gens du livre. Al-Muhim, le hadith, il est clair. La divergence, elle a eu lieu par rapport à d'autres adillah, certaines qui ne sont pas authentiques, d'autres qui ont été interprétées. Mais le hadith, là, il est clair. Que le qaul sahih, c'est que le musulman n'hérite pas du mécréant non plus. Maintenant, si ce mécréant fait un testament dans lequel il lègue ses biens de lui-même, là, il peut le prendre. Ça devient une wasiyah. Ce n'est plus un miras, ce n'est plus un héritage. C'est un testament, car en arabe, il y a une différence entre les deux. Entre ce que tu lègues de toi-même et ce qui est donné des droits des gens sans que tu n'aies à écrire. Taïb. Souma qu'on laisse ça bien. Elle colle bien dit le fikra, d'awa il est l'erreur arkem en nikah. Il y a un nikah les musulmans. Que cette parole-là va amener également à abolir les règles de mariage entre les musulmans et les kitabiyin. À la base, il nous est permis d'épouser les kitabiyat pour condition qu'elles soient chastes et qu'elles soient des vraies kitabiyat. Et elles ont les mêmes droits que les croyantes. On leur donne leur mahr, le dot. Et rien n'est à l'écart. C'est une chose, une exception qu'Allah Azzawajal a fait pour ces gens-là. Car à la base, les gens du livre ont été nommés comme étant les gens du livre. Car à la base, ils ont une base de religion qui sont les livres anciennement descendus. Ils ne sont pas comme les pures idolâtres qui, eux, n'ont aucune base. Et on a le droit de manger de leurs sacrifices. Ce sont des choses exceptionnelles. Ce sont des choses qui ne le sortent en rien du fait qu'ils sont des mécréants. Ils sont des mécréants, mais Allah, rahmatan lana, pour nous les musulmans, nous a accordé de manger de ce qu'ils auront sacrifié s'ils ont nommé le nom d'Allah dessus, et de se marier avec les juives et les chrétiennes, parmi les vraies juives et les chrétiennes, celles qui sont des chastes. En dehors de cela, il n'est pas permis de nous marier avec les kuffars, comme a dit Allah ta'ala. Et, j'ai oublié de préciser, par contre, la femme muslima, il ne lui est pas permis de se marier avec un mécréant, ni chrétien, ni juif, ni rien du tout. Comme a dit Allah, وَفَلَا يَرْجِعْنَا وَفَلَا تُرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُنَّ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Que Allah Azza wa Jalla a dit, ne l'envoyez pas vers les kuffars, ceux qui ont émigré. Car ni elles ne leur sont permises, et ni eux ne leur sont permis. Mutahina dans le verset l'éprouvé, verset 10. Donc il n'est pas permis à la femme muslima d'épouser un mécréant qui qu'il soit. Et parmi les causes qui permettent à l'homme et pas à la femme, c'est que souvent l'homme, comme il a autorité sur la femme, il aura plus d'influence sur elle. Donc ce sera une cause pour qu'elle vienne vers l'islam. Alors qu'une femme, étant plus faible, si elle se marie avec un mécréant, il y aura plus de probabilité qu'elle se mette à apostasier pour suivre son mari. Azahou. Quoi qu'il en soit, les savants déconseillent fortement de le faire. Et surtout en cette époque. Ce n'est pas un mariage qui est approprié. Également, parmi ce point-là, que cela va amener à permettre aux mécréants d'être tuteurs de la musulmane pour qu'elle se marie. Et cela est interdit, kazalik, à l'unanimité. Que Allah n'accordera aucune autorité ou aucun pouvoir sur les croyants. C'est-à-dire, dans les règles ou quoi, le mécréant n'a pas à faire lieu de tuteur pour une croyante. Son père, c'est un chrétien, elle est musulmane, elle est convertie par exemple. S'il est de se marier, son père ne peut être son tuteur. Son frère non plus, tant qu'il est un chrétien ou un juif. Donc ces gens-là, ça a amené à quoi? À ce qu'une femme puisse se faire marier par un juif ou un chrétien. Wali azabillah. Et parmi les règles du mariage, parmi les piles du mariage, sur lesquelles il y a une humilité qui sont les deux, il y en a, ils ont dit trois, les deux ce sont la dot, le tuteur pour la femme, et d'autres ils ont mis les témoins. Les témoins, il y a une divergence. Le tuteur est un pilier du mariage, un mariage sans tuteur pour une femme est un mariage qui est invalide. Donc si demain, maintenant, se marier avec un tuteur qui n'est pas reconnu comme étant apte à le faire, religieusement parlant, son mariage sera invalide. Waliyaz billah. ثم قال ثامنا هذا القول يؤدي بل قد أدى في بعض البلدان إلى الدعوة إلى إلغاء أحكام ردة بين المسلمين. Que ce قول il amène à quoi? Une chose qui est déjà arrivée, à annuler les règles de l'apostasie. C'est-à-dire que tu ne pourras plus blâmer un مثلا ou appliquer les règles sur un musulman qui se christianiserait ou qui se judaïserait. Car ils diront, il a le droit vu que ce sont des croyants. Donc il dit, je suis toujours croyant. On n'a pas appliqué sur moi ces règles. J'ai le droit. Ces gens-là sont nos frères, comme vous l'avez dit. Donc pourquoi ne pourrais-je pas aller vers eux? Donc cela amène à cela. Wa qala ta'ala, wa man yartad minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi ad-dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar fi akhwalidun. Que celui d'entre vous qui aura apostasié de sa religion et qui meurt, il sera alors un mécréant. Ceux-là sont ceux dont les œuvres sont annulées dans cette dunya et dans l'au-delà. Ceux-là sont les gens du feu, ils seront éternellement. Celui qui apostasie devient mécréant. Quelle que soit la religion qu'ils choisissent. Quelle que soit ce qu'ils choisissent, à partir du moment où il était musulman, sorti de l'islam, d'accord, et cette apostasie peut avoir lieu volontairement ou volontairement. C'est-à-dire, des gens peuvent se dire, moi, demain, je ne veux plus être musulman, je veux être chrétien. Il aura fait une apostasie volontaire. Et l'apostasie volontaire, délibérée en islam, ou même indélibérée, l'apostasie tout court, s'appelle c'est la peine de mort. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith ibn Abbas, man baddala dinahu faqtulu. Celui qui change sa religion, alors tuez-le. Et le hadith rawahu al-Bukhari. Et également dans un hadith muttafaqun alayhi, sur l'Abi Moussa al-Ash'ari, que lorsque Mu'az ibn Jabal est venu au Yémen, il a vu un homme avec une apparence quand même comme celle des juifs. Et il l'interrogea. Il dit, qui est cet homme? Ils disent, c'est un juif qui s'était soumis à Allah Azzawajal, puis est retourné au judaïsme. Donc Mu'az ibn Jabal lui a dit, il a juré par Allah qu'il ne descendra pas de sa monture tant que cet homme-là ne sera pas exécuté. Ils l'ont exécuté. D'accord? Maintenant, comme on dit bien, ces règles-là, je le précise, ce sont les règles qui reviennent au gouverneur, pas à nous, dans un pays où la charia est appliquée. Et là, on parle des règles en théorie. Par rapport à la pratique aujourd'hui, maintenant là, ce n'est pas réalisable pour ceux qui sont en pays de kufr. Maintenant, en pays d'islam, ça c'est le rôle du gouverneur d'agir de la sorte. Et malheureusement, ils ne le font pas. Et c'est une très grave erreur également. C'est une très grave erreur. Donc, ces gens-là qui appellent à l'unité des religions, font que ces règles sont abolies. Car demain, pour eux, un chrétien, un musulman peut devenir chrétien ou devenir juif. D'accord? Et on a expliqué l'apostasie peut avoir lieu par des choses délibérées. C'est-à-dire, la personne dit, je suis musulman, mais il faut des choses qui annulent son islam. Comme par exemple, la sorcellerie. Ou le fait de rendre permis de juger par autre que la loi d'Allah. Ou toutes les autres choses. Il sera rendu apostat également. Et le jugement sera le même. Sauf que lui dira, il se dira musulman, il dit, moi je suis musulman, je suis pas chrétien, je suis pas juif. On dit, ce que tu as fait là, annule ton islam. Tu n'es plus musulman, que tu le veuilles ou non. ثم قال تاسعا القول بهذه الدعوة يضعف جانب الولاء والبراء. Que cet appel, cette da'wa à l'unité des religions affaiblit l'alliance et le désaveu. Chose qui nous est obligatoire en religion. D'aimer pour Allah, de détester pour Allah. D'aimer à Allah, de détester à Allah. Et Allah Azza wa Jal a dit dans son livre clairement qu'il déteste les juifs et les chrétiens. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas en allié ceux qui ont pris votre religion en raillerie et de façon dérisoire parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous, et ainsi que les mécréants, ne les prenez pas comme alliés, et craignez Allah si jamais vous êtes croyants. Donc, en disant que ces gens-là sont nos frères, ça va amener à ce qu'on se rapproche d'eux et qu'on les aime. Donc, ça va amener à quoi? À abolir ces versets-là également. à abroger ce verset-là, c'est-à-dire en abrogation de nous-mêmes, et non pas que Allah Azzawajal aura légiféré, bien évidemment. Et combien de versets dans ce sens sont venus ? قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Dans le sens où Allah dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens en alliés. Certains sont alliés, ils sont alliés les uns aux autres parmi eux. Et celui qui s'allie à eux parmi vous fait partie d'eux, et que Allah ne guide pas le peuple injuste. Combien de versets sont venus sur le Wal al-Bara ? On les cite très fréquemment. Donc, dire que ces gens-là sont nos frères et se rapprocher d'eux amènerait à annuler ce jugement d'alliance ou d'aveu. Et dixièmement, pour finir, قال القول بهذه الدعوة يضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Que cela également affaiblit l'ordonnance du convenable et la prohibition du blâmable, du répréhensible. Et cela est parmi les plus grands emblèmes de l'islam. Les choses sur lesquelles se tient la religion. Le fait d'interdire les choses blâmables, comme les grands péchés, les turpitudes, quand même, et autres. Et le plus grand des péchés, c'est le shirk et la mécréance. Ces gens-là, que font-ils ? Ils sont dedans. Donc en disant que ce sont nos frères, cela mène à ne pas être en mesure de les blâmer sur leur mécréance, sur leurs actes. Donc Allah Ta'ala, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Dit, vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les hommes, vous les musulmans. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Et que si jamais les gens du livre avaient cru, cela aurait été meilleur pour eux. Et parmi eux, il y a des croyants, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire ceux qui ont cru vraiment et qui ont suivi par la suite. Et la plupart d'entre eux sont des pervers. On a expliqué que ceux qui ont cru parmi les croyants sont ceux qui restent sur la religion de base avant que ne vienne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient vraiment des suiveurs de Isa ou des suiveurs de Moussa ou autres, de leurs prophètes. Et ceux qui sont des croyants parmi les gens du livre sont ceux qui ont cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la suite, donc qui ont eu leur récompense de foi. Sans quoi, Allah dit bien qu'ils n'ont pas cru. Donc ne pas vous faire duper par ces gens qui citent des versets citant les gens du livre comme étant des croyants. D'accord ? فبيذكرنا كتافي اليوم والحمد لله والحمد لله رب العالمين.